poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. J'ai pris les paquettes Arena, j'ai pris une plaquette à Redage. Des fois j'ai 2-3 morceaux et le reste on coupe avec mon frère. À part égal, il paraît que dans le bloc ça se barricade. Ça braque, ça vole charbonne au lieu de partir à l'école. Crois pas, je rigole. À la rue, moi je suis fidèle. Parce que je sais quand y'a pas un, il fait du bien le plein Babybel. J'écoute du Dalida, je me suis fait à l'idée que dans ce game fallait tout niquer. Comme Johnny Hallyday, on a la tchatch. Dans le 13, on t'insulte comme un patch. Maintenant, même dans ton quartier, ton scooter il faut que tu l'attaches. J'suis dans ma cage. Joue à la play, j'écris. J'ai tellement braqué la snap que je sais même plus combien j'ai pris. La famille on choisit pas et les potos on les trie. J'porte pas du Gucci, mais quand je vais au cours, je regarde même plus les prix. Je suis électrique. Comme les blues et les clips, ça se fait gonfler les plecs pour faire les gros dans les clips. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. C'est plus facile en ND si tu fais rien, tu rames. Pareil que t'es plein de disques d'or, mais dans la poche, y'a pas un dirham. Regarde ce monde, il est triste. Autour de la benne, y'a 10 rhum. Et sur la table, y'a du rhum. Toi, t'aurais pas tenu 10 rounds. Et ce mec en faillite qui dort en bas de la rue, Rémi sans famille, qui a perdu son travail, sa mère et ses amis incessamment. Son père avait des sous mais il avait pas noté dans le testament. Je te sens pas bien question. Pour toi s'il faut je crée une île avec une piscine en diamant. Quand tu m'engueules je dis pas un mot. Comme au comico elle m'a dit si tu parles t'es pas un homme. Elle m'a éduqué, m'a appris le respect, les valeurs. Ça y est je suis plus un homme. Merco, Audi, Twingo, Clio. Je suis parti de rien maintenant je veux devenir proprio. Baumette, Borgo, Gourmette, Fourgon. Ça fait 7 ans que je leur fais mal, je les pique comme un bourdon. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. Coup de poker, j'ai un carré d'as. J'fais crier le bolide au Prado carénage. Mes potos à moi, ils aiment pas l'état. J'crois qu'y a des cibles à cacher à l'étage. J'ai fait quoi, Aziz, Capri Sun. Cet été, j'ai pas pris le sun. J'ai encore tombé comme un fou. Heureusement que Pro Tools, j'ai appris seul. J'vis ça pendant que les petites visères. Depuis très organisé, j'suis encore plus cramé. Faut que je roule avec la visière. Aujourd'hui, j'me suis fait beau. J'ai mis la montre, la chabran, j'suis en bébé. Elle veut que je la regarde et moi même pas je la prends, j'suis dans la presse. On dit du bien, du mal, je veux plus voir des gains. C'est pour ça qu'en décembre, j'suis sorti loin du monde. J'en connais plus des fins du mois. J'ai mon bébé d'amour, donc les autres j'calcule pas, même si elles ont faim de moi. Et si elles me trompent, ben bien sûr que c'est la fin de nous. 1h30 du matin, j'm'arrête à McDo, j'ai une faim de loup. Faut qu'on staille loin, parce que même les voisins ils se plaignent de nous. Et les potos, une fois rapta, ils sont pleins de rouille. La tête en feu, j'porte chez moi, j'suis à 2,50. J'en ai marre d'être en panne de shit, demain j'prends 2,50. J'ai passé l'âge de me rouler par terre, de faire la guerre avec mes partenaires. J'ai pris un dos d'Andy, nickel Carter. Big up au braqueur et au Carter.